Il est temps pour moi d'écrire, pour celle qui m'a fait grandir, pour celle qui a dû supporter la folie de mes jeunes années. Alors que je suis passé du biberon à la bouteille, elle continue à veiller sur le confort de mon sommeil. C'est peut-être pas Superwoman, mais c'est la plus belle des femmes. Et malgré quelques cheveux blancs, elle reste la meilleure des mamans. Avec des bisous magiques sur mes bobos tragiques, elle a toujours su refermer les plus profondes de mes plaies. Et même à l'adolescence, elle sut partager sa science sur les dégâts que fait la vie et sur l'amour, bien sûr aussi. C'est peut-être pas Superwoman, mais c'est la plus belle des femmes. Et malgré quelques cheveux blancs, elle reste la meilleure des mamans. Et pour nous trois, qui sommes ses fils, elle a fait tant de sacrifices. Et si un jour je dois être père, je serai comme elle, enfin, je l'espère. C'est peut-être pas Superwoman, mais c'est la plus belle des femmes. Et malgré quelques cheveux blancs, elle reste la meilleure des mamans. Et moi je serai pas Superman, puis je deviendrai sûrement pas une femme. Mais malgré quelques cheveux blancs, je ferai comme a fait ma maman.